Sont-ils des geeks ? Sont-ils fanboys ? Sont-ils des otaku ? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Où est George ? Je dois le voir. Il est dangereux. Petite séance de retour en arrière sur un film qui était sorti le 2 mai, Rampage en français, Hors de contrôle, alors quel fameux titre aussi. Hein. Donc le film de Brad Payton avec Dwayne Johnson, entre autres, je parlerai un petit peu plus loin du cast. Donc il faut rappeler que Rampage, à l'origine, c'est un jeu vidéo qui était sorti en 1986, édité par Bailey Midway. Et moi, j'avais pas eu l'occasion d'y jouer, mais pour moi, c'était un petit peu un dérivé de Donkey Kong. Est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que je suis plutôt un peu caricatural dans mon image pour le jeu vidéo? Non, en fait, t'es loin de l'image d'un Donkey Kong. La plateforme, c'est pas du tout pareil. Donkey Kong, donc c'est un jeu justement de plateforme. Tu pars du bas pour aller en haut avec le jump pad, tout simplement, qui était l'ancien Mario. Tu vas en haut comme ça, tu dois éviter des barils, prendre un petit marteau au moment pour casser des barils, monter les échelles et aller délivrer une princesse qui est capturée par Donkey Kong. D'ailleurs, le guest, c'était Mario, il me semble, dans ce jeu-là. Oui, Jumpman, ouais. Qui s'appelait pas encore Mario à l'époque. Ouais. Hein. Il s'appelait juste Jumpman. Caméo du futur Mario. Voilà, Mario, donc il a pas été plombier dès le début, il a d'abord été charpentier. Et sinon, Rampage, en fait, donc le système de jeu était pas du tout pareil. Donc on était sur une plateforme fixe à la Atlantis, c'est-à-dire qu'il bouge pas. Des bâtiments sur la plateforme, 2, 3, 4, 5 bâtiments. Et le but du jeu, c'est de péter les bâtiments et de bouffer les civils et de détruire les militaires. Ah oui, il y a une séquence un peu carnivore alors. Oui, parce qu'en fait, quand on bouffait un civil, ça nous rajoutait des points de vie ou des points tout court. Et quand on bouffait un truc électrique ou un missile ou quelque chose comme ça, ça nous enlevait des points de vie. Et donc Rampage, donc c'était ça. Et le jeu était, la phase de jeu était terminée une fois que tous les immeubles ils étaient pétés. D'accord. Donc il fallait monter sur les immeubles pour casser à tel niveau, et puis après on descendait ou on allait en haut, et l'immeuble se détruisait au fur et à mesure. Donc après il faisait genre 4 étages, 3 étages, 2 étages, 1 étage, voilà, immeuble rasé, on peut passer à côté. Et après tu passes à un autre écran en fait. Après on peut passer à un autre écran. Et dans Rampage, le jeu vidéo, ce qu'on pouvait aussi faire à l'époque, c'était jouer à deux, c'est-à-dire qu'on avait deux bonhommes qui pétaient les immeubles, mais on pouvait aussi se péter la gueule. C'est-à-dire que si on prenait Lizzy et George par exemple, donc le loup et le gorille, on pouvait se taper à un moment, et quand on mangeait l'autre qui devenait tout petit parce qu'il avait perdu, on pouvait le bouffer et rattraper tous nos points de vie. D'accord. Donc c'était un jeu de destruction. C'était pas c'est du tout un peu glauque de se manger comme ça entre eux. Ouais, puis voilà, à l'époque, c'était bien. On mangeait les flics, on mangeait les civils, on voyait les trucs à la fenêtre qui faisaient au secours, puis on devait les bouffer. c'est rare qu'on entend des jeux avec des. En fait, t'étais le super vilain dans l'histoire, en fait. À Rampage, t'incarnais le super vilain. Donc, en général, tout le monde prenait le singe, parce que c'était le premier qui était à l'écran. Alors, moi, je l'ai connu sur l'Atari 2600, et je l'ai aussi connu sur les plateformes de café, où on mettait une pièce à l'époque pour jouer. Ouais, la bande d'arcade, La bande d'arcade. Ouais. Donc, en bande d'arcade, on voyait vraiment. Un peu les bonhommes un peu plus moins pixelisés que sur Atari 2600. Mais les deux plateformes étaient largement jouables. Et on incarnait donc les forces du mal qui veulent péter tous les immeubles. Voilà, le scénario, c'est ça du jeu vidéo. Bon, je pense qu'on a fait le tour du jeu vidéo, je crois. Ah, il n'y a pas grand chose à dire. Non, à part que c'est de l'arcade pure. Voilà, ils ont bien essayé de refaire des rééditions il y a une dizaine d'années, mais le principe de jeu n'est pas transcendant. On ne peut pas faire beaucoup d'évolutions là-dessus. Donc, ils l'avaient sorti sur Sega. Et ça n'avait pas très bien marché parce que, forcément. Écrasé par Donkey Kong, certainement, non ? Non, parce que c'était largement sorti quand on pouvait jouer genre à Splinter Cell ou 007 ou des trucs comme ça. Donc forcément, c'était un jeu qui était éculé par rapport à ce qui se faisait nouveau maintenant. Ouais, c'était plus le même principe de l'arcade. Ouais, c'est vrai, a fait son chemin avec des jeux plus ou moins mémorables. Mais on n'est pas ici pour parler jeux vidéo, on n'est pas ici pour parler cinéma. Donc le film s'ouvre sur une séquence d'un satellite en orbite, on va dire. Et puis apparemment l'expérience dérape et déjà on voit une première créature, une espèce de rat mutant qui s'attaque à la scientifique qui essaie de se barrer. Alors déjà c'est cynique parce que si elle revient pas avec les résultats, elle crève dans l'espace. Et puis c'est ce qui arrive, même avec les résultats. Puis ce qui arrive, c'est que il y a trois différentes bonbonnes de l'expérience Rampage. Je pense que c'était comme ça. Ouais, elle est appelée comme ça, l'expérience Rampage. Pour bien écraser le titre du film. Comme si vous n'avez pas compris. Non, mais ça fait un peu. Pourquoi ça s'appelle Rampage ? C'est rien, on va dire. C'est l'expérience Rampage. Ouais, c'est ça. Donc ça atterrit plus ou moins dans un marais, dans le zoo. Justement, il y a George, le gorille albinos, le grand pote de Dwayne Johnson. Et le dernier, c'est un loup qui est dans la forêt, quoi. Et puis, bah, l'histoire, c'est tout simplement l'histoire de cette errance, de cette trois créatures mutantes qui, au début, s'acharnent un peu contre la nature. Et ensuite, ils reçoivent une espèce de signal qui les mène à Chicago, à une tourelle. Alors, j'ai trouvé ça complètement ridicule de ramener ces trois bestioles dans une ville, parce que c'est vraiment le dernier truc à faire. Mais si, avec ça qui était imbécile, bon, on fera une partie spoiler, mais moi, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça assez pas plat. J'étais diverti, mais le scénario est hyper prisible, les personnages sont limite caricaturaux, et John Johnson, il est sympathique. Certes, son capital sympathie est toujours là, mais bon, il joue les gros bras, il est avec son pote. Même le gorille, je trouve qu'il est attachant, hein, le gorille, quelque part. J'ai trouvé que c'était hyper prévisible au niveau des intrigues et tout ça. Et bon, je voudrais un petit peu saluer les effets spéciaux qui ont été réalisés par le studio Weta. Donc Weta, c'est la société de studio d'effets spéciaux de Peter Jackson, à qui on doit les effets spéciaux notamment du Seigneur des Anneaux, ou de la planète des singes, ou de King Kong de 2005. Donc voilà, ils ont eu le temps de se roder sur le gros singe, quoi. Je vais pas non plus développer, parce que j'aurais un peu trop peur de spoiler un peu les ficelles entre guillemets du film, quoi. Donc je te laisse la parole pour ça. En sans spoil, voilà, je vais te rejoindre. C'est divertissant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça plus divertissant qu'un Ready Player One, hein, par exemple. Donc c'est divertissant, mais cherchez pas une intrigue. Hein. C'est voilà, les méchants c'est des méchants, hein, c'est marqué sur leur gueule. Complètement. Voilà, le gentil c'est un gentil. Les retournements de situation, les twists, enfin tous les trucs comme ça, bon, on les voit arriver dès le début. Hein. C'est pas un film qui va se pencher sur son scénario. Ça va se pencher sur les scènes d'action et c'est tout. Ouais, c'est vrai qu'au niveau effets spéciaux, bon, on est quand même pas mal servi. Et puis bon, on a droit à la classique scène de destruction de la ville. On peut dire certaines scènes parce qu'elles sont dans le tailleur. J'ai trouvé que ce trailer était un petit peu spoiler sur certaines choses. Notamment le fait que le loup, il puisse voler comme une chauve-souris. Voilà, c'est vu dans le trailer. Ouais. Le gorille, il redevient bon, parce que il est contaminé par le produit, et il devient complètement fou. Et le gorille albinos qui peut s'exprimer par le langage des signes avec Tony Johnson, l'alligator, moi qui m'a un peu fait penser à une espèce de mélange de sanglier d'alligator, vu qu'il y avait des espèces de cornes. Je sais pas si pour toi, visuellement, ça t'avait convaincu, quoi. Visuellement, on dirait un alligato, hippopotamo, dinosauro, on sait pas quoi en fait. C'est ça, ça fait un peu pas être préhistorique, qui casse tout, pas mal de CGI. Tu peux tous les parler, quelques beaux plans de CGI. Alors, il y a des plans maquettes, on voit que c'est des plans maquettes. Il y a des plans. Quand ils sont sur le toit, on se dit, ça c'est des maquettes. C'est-à-dire qu'à tout d'un coup, il n'y a plus personne, tu sais. On les voit sur le toit en train de faire des trucs de super héros, quoi, ou des trucs comme ça. Puis tout d'un coup, on voit juste l'hélicoptère et tout qui bouge et on se dit maquette. Il y a déjà un clin d'œil à Skycraper quand t'as sur la scène sur le toit quand même. Hein. Après, il y a quelques fonds qui sont un peu bizarres, quoi. C'est un peu choquant et c'est bizarre parce que ça tranche avec des autres éléments où c'est quand même bien fait. C'est pour ça que je pense que ça a dû être tourné par la même équipe que Thor Ragnarok parce que. Il y a des moments, les effets spéciaux sont super bien, des moments sont super lame à la Dragon Ball Evolution. Hein. Moi, j'ai un moment, j'ai dit, ils sont fait voler leur fond vert à un moment. Dragon Ball, c'est la scène la plus horrible que j'ai vue de ma vie, c'était dans Dragon Ball Evolution, quand ils tombent justement avec leur bécane dans le trou, là, quelle horreur. Mais bon, on n'est pas pareil, on n'est pas ici de parler de ce nanar. Vous pouvez retrouver notre fameuse émission Dragon Ball versus Ken le Survivant, où on troll pas mal. Donc voilà, je pense que là, on a exprimé un avis général, maintenant on va passer aux séquences spoiler, on va dire. On va être obligé, sinon on va pas pouvoir aller au-delà. Donc je te laisse commencer parce que il y a à dire. Dwayne Johnson est copain avec un gorille blanc, donc c'est un anthropologue. Non, l'anthropologue c'est pour les humains. Donc c'est un mec qui s'occupe des gorilles, voilà. Donc il s'occupe d'une bande de gorilles aux eaux de San Diego et puis. Il y a un gorille qui se fâche, qui va sur eux, puis un gorille blanc qui s'interpose et puis. Puis le gorille commence à faire des blagues d'humains avec Dwayne Johnson, quoi. Ouais. Le gars, lui, il a pleuré, il s'est pissé dessus, des trucs comme ça. Le gros fuck et tout. Le gros fuck, avec le doigt, etc. Donc, Dwayne Johnson, on sent qu'il y a une relation symbiotique avec ce gorille. Ouais. En même temps, ils ont la même tête. Ils ont la même carrure, presque. Donc ça va. Deus Ex Machina, un truc s'écrase du ciel, le gorille touche, il se fait vaporiser un mutagène dans la gueule, et puis ça devient un super gorille. Il grandit, mais il est pas méchant au début. C'est ça qui est un peu bizarre, mais... Il devient méchant que quand il lance l'antenne en route, là. Le gorille signal, on va dire. Pour le ramener à Chicago. C'est ça. Après, t'as... le gorille, je crois que c'est la moins pire des trois transformations, parce que... Les quatre. Avec... Hein ? Il y a le rat aussi, il faut en parler, quoi. Ouais. Au début, il y a un rat qui s'est échappé, et puis on voit une grosse bête bien dégueulasse, avec des pics. On se dit, ouais, ah ouais, Splinter. Des pics, c'est vrai en plus. Ouais. On se dit que Splinter a beaucoup changé. Ou sur les Tortues Ninja, justement, mais bon. Mais bon, ça fait vraiment fake quand. Ah, ils sont moches, elle est moche cette séquence. Ouais, cette séquence-là est quand même assez mal faite en fait. C'est moche. Ouais, c'est moche. On a l'impression qu'ils ont voulu faire des jumpscares, tu sais, pour nous effrayer, mais. Mais ça marche pas. Non, ça marche pas parce que, je veux dire, t'as le fond sonore qui change au moment où la bête va apparaître. Ouais, c'est tu sais, bon, bah là, action, il y a le bête qui apparaît. Voilà. C'est vrai qu'il manque la flèche rouge pour, sur l'écran, quoi, à la rigueur. Ouais, tu sais, qui clignote. Ouais. Nut, nut. Quand tu dis rire ou avoir peur, tu vois, un truc comme ça. Ouais, moi j'étais un peu surpris de pas voir le mec avec des panneaux qui nous y applaudissait, il a peur. Vous les réenregistrez, tu sais, quand John Hudson il balance une vanne. Ah ouais, puis les vannes là-dedans, je crois que même dans Fast and Furious, les vannes elles étaient un peu plus correctes. Non, bon, John Johnson, il faut quand même avouer que le mec a sa sympathie. Ah, il en impose quand même dans le film. Ouais, ouais, c'est clair. Il y a des séquences, moi, je retiens, c'est les personnages surtout, parce que il y a, bon, on retourne au hasard, il y a Jeff. Jeffrey Dean Morgan qui incarne un agent du FBI avec ses Colts là, son Colt là. Ah non, c'est la 5e division, ouais. C'est un agent mais on sait pas quoi. C'est ouais, un peu le Men in Black quoi. Ouais, c'est ça. Et puis il y a son Colt et tout, et puis on voit qu'il y a toute une honoration de respect qui va s'instaurer entre les deux quoi. On croit pas du tout à cette animosité entre les deux mecs quoi. Bon, t'as la savante là, t'as les méchants, putain, mais ils sont horribles les méchants. Alors moi j'étais superbement surpris parce que superbement, déconnez pas les mecs. Hein. J'étais agréablement surpris. C'est quand, tu sais, t'as tout la groupe des mercenaires, là. Tu te dis, tu vas les retrouver jusqu'à la fin, ils vont faire chier le monde. Non, ils se font bouffer comme merde. Ça, c'était chouette. De toute façon, ils sont tellement cons qu'ils se font bouffer, alors. Bah, je me suis dit, ça va être un truc, tu sais, comme dans genre l'agence touriste, tu les retrouves dans le film. T'éparpilles en morceaux. Non, tu les retrouves les mercenaires du début à la fin, ouais, et ouais, ils ouais. font chier le monde, et puis c'est les super méchants, vraiment eux, plutôt que les autres. Ouais, tu te dis, ah, super, ça va être un truc comme ça. En fait, ça rappelait le Deadpool, hein. Ouais, ouais, ils se font bouffer. C'est ça, c'est la X-Force qui se fait bouffer, quoi. Et bah, bouffer comme des merdes. Ouais. Et justement, c'est le loup qui les bouffe. Ouais, c'est le loup. Normalement, c'est Lizzy, le loup, je crois. Mais... Il bouffe presque l'hélicoptère à un moment, non ? Ouais. Il mange l'hélico. Ouais, c'est ça. Donc, encore une belle séquence bien anarde. Bah, d'ailleurs, on le voit dans le trailer, cette séquence. Ouais, encore, on est bien spoilé par le trailer. Tout est dévoilé, finalement. Tout. Voilà, ouais. Vous regardez le trailer, vous avez vu toutes les scènes importantes. Ouais, c'est ça. Il y a un best-of là-dedans. C'est pour ça que déjà, il n'y a pas de surprise, déjà, d'une part. Et puis, toutes les situations prévisibles, comme je disais, c'est surtout la fin qui m'a agacé, c'est quand ils sont à 3 contre le... Parce que il y a un truc qui est bizarre. Je parlais de la séquence, j'ai commencé par la séquence par exemple, quand ils sont sur le toit et que avec l'hélico. Ils glissent avec l'hélico, bon, ils se ramassent la tronche parce que c'est fort haut. À un moment, il dit, ah oui, ça a marché, le pathogène, je sais pas quoi, l'antidote. Mais il n'y a aucune scène où il injecte l'antidote au gorille. Si. Ah bon ? T'as raté la scène. T'as un moment, la super méchante, tu sais, qui a une gueule de méchante, qui est comme son frère tout le temps, je suppose, c'est son frère. Elle se fait bouffer par le gorille et elle a l'antidote sur elle. Ah, j'ai pas réalisé, c'est pour ça. Ouais, voilà. Puis elle dit, je donne le monstre à manger au gorille. C'était marrant, quoi. C'était une phrase. Ah, d'accord. Donc, excuse-moi, mais je pensais qu'il y avait une incohérence, mais c'est parce que j'étais un petit peu décroché, apparemment. Mais bon, c'est pas grave pour un film comme ça. Ah, puis, bonjour, quand elle se fait bouffer, hein, la scène, c'est une scène dégueulasse d'ailleurs. Les CGI sont mal faits. Tu la vois chuter comme ça en bougeant les bras. Et puis tu vois que la gueule, elle est pas synchro avec le grain de la personne. Il y a une espèce de. Il y a un contraste de contraste dégueulasse, quoi. Il y a un contraste dégueulasse. Ouais. Et là, tu te dis effets spéciaux. Oh. Mais il avait comme ça direct, c'est vrai que un bout de viande pour un gorille, ça doit être ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'était un peu gore cette scène là. Mais bon, c'est pas ça le pire, mais c'est une fois que George redevient normal et puis qu'il va se battre avec Dwayne, mais à chaque fois c'est la reprise, c'est le George est en difficulté avec le face à l'alligator. Dwayne Johnson, il le sort de la situation. Après c'est l'inverse, après ça recommence, mais ça recommence au moins 4 fois. Et au bout d'un moment, t'en as marre quoi. En fait, tu vois, ça fait. Il le sauve, il le ressauve, ouais, l'autre le ressauve, l'autre le ressauve. Bah, la première fois, le jeu se fait, tu vois. Tu te dis, ouais, vas-y, machin. Le jeu de, ouais. Et c'est vrai qu'au bout de 3-4 fois que ça se reproduit, tu te dis, ouais, bah, il va crever cette merde, autre machin. Voilà. Puis en plus, un peu à un déçu, moment, t'as. Je sais pas, t'as une scène où il y a George qui tombe dans une espèce de bâtiment en ruine, puis t'as une espèce de gros pic. Qui se fait. Ah, le gros pic, là, il a été mis en avant pour quelque chose. Et ben, ça a pas raté cette histoire. Ah, ça a pas raté. Ouais. À la fin, il fait semblant de mourir, hein, comme Deadpool. Et puis après, il troll parce que c'est un gorille qui troll, quoi. Ouais, voilà, c'est un gorille qui est pour avoir une place dans notre émission, qui troll beaucoup. lui il fait des fuck, il demande s'il a trouvé la nénette, littéralement. Voilà quoi, il dit femme, famille, enfin il dit en langue des signes, hein, femme, famille, il dit oui, il fait partie de ma famille, puis après il fait le signe, le doigt avec le. Ouais. Voilà quoi, tu te dis bon, bah ok, ouais, l'humour. Bon, il a tout compris, le mec a tout compris quoi. Ouais, tu te dis super l'humour quoi, surtout. Ouais, ouais. Moi j'ai mis bien, le seul truc que j'ai aimé c'est le gorille en fait, moi j'ai trouvé super sympa et. Bah, parce qu'il est développé. Ouais. Après les deux autres, on nous juste dit bon, il y a un loup, il trouve un truc, il se fait asperger, fout, voilà. Il bouffe quoi, c'est tout. Ouais, puis après, il y a l'alligator, ça devait être dur à trouver un alligator parce qu'on le voit jamais, on le voit qu'à la fin. Donc, je pense qu'ils n'ont pas su trouver un alligator pour faire juste comme quoi ils sniffent le produit. Non, mais c'est un peu ridicule aussi, cette histoire de tour avec le signal. Tu sais bien que si les monstres ils arrivent en ville, ça va être le bordel, ils vont tout détruire quoi. Ouais, puis surtout les super méchants ils attirent les monstres pour récupérer leur ADN pour refaire des armes, et etc. Mais ils savent pas qu'il va y avoir des dommages collatéraux. Non, mais surtout ils savent pas qu'ils devraient pas rester là quoi. Ouais. C'est vrai qu'ils sont là, ouais. On a créé 3 monstres géants, machin, ils vont péter toute la ville, on va lancer un signal pour ça, mais on va rester là quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'ils sont bêtes, hein, ils sont bêtes ces méchants. Ouais. Et celui qui est bête aussi, c'est le général noir. Là. Ah, lui, il est con. Hein. Il peut avoir la palme du. Ouais, du War Machine. La palme du gros connard de militaire. Hein. Bah, et c'est cliché. Ah c'est ouais, c'est cliché, ouais. Gros connard militaire. Il écoute pas Don Johnson, il écoute pas le cowboy, il écoute personne. Quoi. On a un spécialiste qui s'est communiqué avec le singe. Bon, bah, vous le dégagez, vous le mettez en tôle. Point, point, point. Et après, t'as l'autre, il va voler l'hélicoptère. Et ça, je lui vais arriver de loin. Je me suis dit, ah, le cowboy, il va arriver avec les clés ou quelque chose comme ça. Ah, moi, j'ai pas raté. Moi, je me suis dit, le cowboy, il va arriver genre voilà, je sais ce que vous faites, tu vois, je suis bon, ouais, ouais. Allez-y les mecs, ouais, ouais. Ah non, il leur donne les clés, ouais. Il leur donne les clés, ouais, au début il se la fait un peu mystérieux, ouais, pas mystérieux mais un peu bluffard quoi, ouais. Il bluffe, il dit l'air de dire je peux pas vous laisser faire ça, tu vois. Puis après, il leur file les clés. Enfin, tu sais, tous des trucs comme ça, tous des petits détails qui font que dans le film, bah, tu t'attends pas à de surprise. Donc, tu passes un moment. Moi, j'ai vite oublié, quoi, après la séance. Oh, c'est oubliable. Hein. On peut y aller pour aller se vider la tête ou pour voir un film d'action brut. Hein. C'est de l'action. C'est un film de Jackie Chan avec des gorilles, quoi. Cherchez pas un scénario, il y en a pas. C'est que des scènes d'action. Ouais, mais sinon, ça fait le jeu, je trouve. Hein. C'est-à-dire que tu y vas. Ouais, j'ai préféré quand même Bienvenue dans la Jungle, Jumanji. Hein, Jumanji était mieux. Dwayne Johnson. C'était plus sympathique et plus mieux tourné. Quoi. Là dans Jumanji, Dwayne Johnson il joue un ado, enfin, ouais. Donc c'était un peu marrant de le voir à contre-pied. Ouais, quoi. C'est ça. Puis il y avait Gillian aussi, donc c'était quand même pas mal. Ouais, il y a Karen Gillian. Ouais. Karen Gillian. Par contre, là dans Rampage, bah, il joue Dwayne Johnson, quoi. Enfin, il joue le gros bras. Hein. Il joue le gros bras, ouais. Ouais. C'est le mec gros bras. Quoi. Ouais, c'est le mec, c'est l'ancien SAS. Moi je vois mal faire un ancien employé de bureau, tu vois ce que je veux dire. Quoi. Ah, c'est sûr, il n'y a pas une carrure à travers la poste. Hein. Donc il pourra jamais jouer des mecs normaux, quoi, Don Johnson dans son genre. Bah non, il est obligé de sortir des... C'est pour ça que, là, dans la tour, là, Skyscraper, ouais. Ça peut-être un peu... voir un peu comment il tourne, le fait que ce soit un handicapé, mais... Bah, tu vois, bah, mais il là, apparemment, Don Johnson, c'est... quoi. Excuse-moi, mais apparemment, c'est... je sais pas si c'est un ancien de l'armée ou j'en sais rien. Ouais, c'est un ancien de l'armée. Il y a un deuxième trailer qui est sorti, il dit, vous faisiez partie... Ah, des forces spéciales, il doit avoir que ça aux États-Unis. Et en fait, ouais, donc... Il fait partie des G.I. Joe, parce qu'il a joué dans G.I. Joe, l'ami Dwayne Johnson. Ah, il a aussi joué dans G.I. Joe, ouais. Enfin, voilà. Quelle grosse merde, cette deuxième. En même temps, je le vois pas jouer dans Macbeth, hein. Je veux dire, ouais, quoi. Bah, Schwarzenegger a failli faire un Hamlet dans la chaîne Hero, la tâche de Hero. Il joue du Dwayne Johnson, mais bon, ça va, quoi. Bah, il se prend pas au sérieux comme acteur, enfin, pas tout le temps. Non, il est jamais dans le surjeu, c'est ça, il va pas gueuler, il va pas commencer à gueuler. C'est vrai qu'il gueule moins, ouais. Et quand t'as des plans sur sa gueule, c'est vrai que... Il est plus expressif. Il est un peu plus expressif. Il est même plus expressif dans certains points que Lee Jackson. Par exemple, dans King Samuel Kong, Jackson, Samuel tu veux dire, Jackson... Ouais. Ouais, mais Jackson, là, c'est soit le pire, soit le bon, soit le pire, quoi. Il n'y a pas d'entre-deux. Je sais pas, je me souviens de Jackson dans, par exemple, The Spirit, je sais pas si tu l'as vu ce film, en noir et blanc, qui est adapté d'un comics. Le surjeu, c'est quand même... Ouais, tu parles de King Kong, Skull Island, ouais. Mais c'est lui le pire, quoi. Ah ouais, c'est le pire. Ouais. Le super vilain, c'est lui. Ouais. Mais bah, je veux dire, j'ai préféré Kong à Rampage. J'ai préféré Kong à Rampage. Ouais. Déjà, bah, ça change d'histoire, c'est-à-dire que le héros dans Kong, c'est Kong. C'est pas les autres acteurs, ils sont quasiment en second plan, enfin même pas quasiment. Hein. Ouais. Dans les autres acteurs, quand ils crevaient les uns après les autres, ils bouffent un pilote d'hélicoptère, il me semble, au moment. Là, tu te dis, bon, bah, va bien, bah, qui crève, quoi. C'est pas très grave. On s'en fout un peu des acteurs. Aucune empathie. Et quand Kong se fait manger le bras et tout, t'es là, non, pas Kong. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on tient plus pour lui, hein. Ouais, c'était pas trop mal. Et on attend déjà le versus Godzilla, il va être fabuleux, celui-là. Bah, j'espère qu'il sera mieux réalisé que celui de 56. Avec le masque tout déchiré, là. Ouais, puis le bonhomme qui bouge en tous les sens, à la Son Kukai. C'est vrai, il y avait Slimane de Son Kukai. dit oh, voilà qu'on a un peu trollé parce que de toute façon il n'y a pas grand chose à dire de ce film, mais bah non, puis les deux seuls moments qui étaient vraiment bien dans ce film, c'est quand l'autre il se fait écraser comme une grosse merde quand l'autre a récupéré l'ordinateur là. Ouais, tu sais, tu le sens arriver, tu te ah, dis c'est vrai, ouais, ouais, ouais, ah, t'auras ouais, le droit de partir. Moi au début je me dis ah, oui, il va lui tirer dans qu'est-ce le dos, qu'est-ce que c'est nul ça, ouais, et puis en fait non, il se fait écrabouiller comme une grosse merde. Il attendait, je crois que le cowboy il s'en doutait que le mec allait se faire avoir. Bah ouais, parce qu'il le laisse partir, ouais. Et puis quand l'autre elle se fait bouffer, les méchants, c'est encore pire, elle, les deux vilains, ils meurent, ah, comme deux des vilains, merdes. Mais aucune nuance hein, dans leur jeu, surtout la blonde là. Ouais, ça faisait super vilain de Power Rangers dans la façon de la brune, tu sais. On aurait dit Rita Repulsa dans le film des Power Rangers, ah ouais, la façon de jouer, quoi. Bah, j'ai pas regardé, donc, mais bon, on conclut sur ces bons mots. Ouais, bah, on conclut. Film moyen, faut pas y aller voir pour voir un scénar. Tu mets une note, finalement. Ouais, bah, je lui mets 2.5, pas plus. Ouais, bah, allez, regarde, 1.5. Ouais, 2.5, ouais. Pour se vider la tête. C'est ça. C'est un peu comme Tomb Raider, quoi. Allons sauver le monde. J'ai des gros bras, cherche pas à lutter. Vous savez, il y a d'autres façons de dialoguer avec les gens. Ouais, je sais, ouais, mais c'est moins drôle. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout, et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.